silence. Enfin, 4, vu que je vais en faire 2. C'est de nouvelles, hein, je ne les connais pas. Bonjour, je suis Tony Fombla. Bonjour, je suis Tony Fombla. Va bien? Enregistre. Oui. Ah bah c'est bon. D'accord. Vas-y, j'y vais. Je me